avait dit qu'elle te laisserait là. Elle te l'a redit, mais tu ne la croyais pas. Tout seul aujourd'hui, tu repenses à la fois où tu l'embrassais sur les quais du métro parisien. Finalement.